Su nombre es el Espíritu Santo. Amén. Amén. El demonio está en el libro que es. Bendito el mundo. Donc, notre foi doit être accompagnée par une attitude de confiance et d'abandon absolu sur ce que Dieu dit. Pas vrai? Oui. Notre foi doit être accompagnée par une attitude totale, absolue, d'abandon en la parole du Seigneur. D'accord, très bien aimé. Amen. Croire requiert une action. Croire engage une action par la suite. D'accord, très bien aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez de vous. Ça va? Bonsoir, le jeune frère. Oh, le frère, il est salué. Ça, comment ça va, frère? Bien. Oh, depuis qu'il est allé, il est rentré, on ne sait pas encore. Mais. Ça s'est passé comment? Très bien. On m'a dit que tu dépasses le président de l'Assemblée nationale. Vous savez ce qui est arrivé? On a acheté son billet d'avion. Il est question qu'il voyage le 29, quoi? Le 29, le 27, pour le Nord. On achète le billet d'avion, on arrive, je l'accompagne à l'aéroport, je tourne, j'arrive à la maison. Il m'appelle, il me dit qu'on a annulé le billet d'avion. Il dit, qui a annulé le billet d'avion? J'appelle la personne là, on a acheté le billet d'avion. Elle dit qu'elle n'a pas annulé le billet d'avion. On tape dans la machine, on voit que le billet d'avion est annulé. Personne ne sait qui a annulé le billet d'avion. Il est question donc maintenant, l'avion est parti dans quelques minutes. Finalement, il part, il rentre à la maison. J'appelle la femme, il dit, tu règles le problème. Avant qu'il ne se passe trop tard, il doit arriver à Garoua avant vendredi. On dit que, ok, il y a une autre option. Il va prendre l'avion de Douala pour Maroua. Et de Maroua, il va prendre la voiture, le bus pour monter à Garoua. Mais au retour, il va prendre l'avion de Garoua. Voilà ce qui est prévu. Voilà ce que Kameko a décidé. Je dis, ok, mets-le dans cet avion-là. On le met dans l'avion. Vous savez ce qui arrive? Non. Il entre dans l'avion, finalement, l'avion va plutôt à Garoua. J'appelle et dis que pourquoi. On a dit comme, pourquoi l'avion est comme ça. On a dit que le président de l'Assemblée nationale était à Maroua. C'est à cause de ça qu'on voulait déplacer pour l'amener. Finalement, on a décidé que le président de l'Assemblée nationale lui-même monte à Garoua. L'avion monte à Garoua, il le trouve là. Donc, le frère avait dépassé le président de l'Assemblée nationale. Appréciez. Donc, finalement, le vol est allé directement. Le président de l'Assemblée nationale a roulé dans la voiture pour le trouver à Garoua. Que Dieu te bénisse, frère Eve. Que Dieu te bénisse. Et j'ai entendu les échos qui se passent là-bas. Je suis content de ce que le Seigneur a de faire dans sa vie, là, des délivrances qui ont eu lieu là-bas. Et vous savez, quand on était là-bas à Garoua la dernière fois, il y avait une jeune fille à la maison, là-haut, qui nous accueillait, possédée. Elle me regarde, comment on délivre, elle me regarde, elle dit que frère, je suis possédé, il dit, ta part arrive. C'était d'elle qui était question là-bas. Que Dieu te bénisse vraiment, qu'il te fortifie. Donc, je crois que les frères là-bas ont été bénis, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Je crois que tu vas, il faut que tu ailles aussi au Gabon cette fois-ci. Au Gabon pour fortifier les frères qui s'envoient et peut pas la suite aussi au Congo. Des questions, avez-vous des questions? Donc souvenez-vous que le frère Hervé dépasse le président de l'Assemblée nationale. On a dû faire voyager le président de l'Assemblée dans la voiture pour qu'il va trouver l'avion du frère Hervé, alors que c'est son avion qui est censé prendre le président de l'Assemblée nationale, monter à Garoua et puis descendre. Donc, on a dit, monsieur le président, vous-même voyagez en voiture, le frère Hervé dans l'avion. Ça s'est bien passé, n'est-ce pas? C'est bien. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, avez-vous des questions? Mercredi, si vous n'avez pas de questions, on entend dans le sujet, on a commencé ce mercredi. Si vous vous souvenez, beaucoup de personnes sont venues ici mercredi, on avait déjà fini, n'est-ce pas? Ou bien d'autres étaient fatigués. Si vous avez des questions posées. Si vous n'avez pas de questions, on prend un sujet d'ordre biblique et puis on travaille. Oui, mon cher, je veux une Bible. Quelqu'un peut me donner une Bible, Non, pas ta Bible. Toi tu vas lire. Il y a des gens qui ont deux Bibles, comme Maman Véro. Oui, mon, pose ta question. Dans 2 Corinthiens, une question de. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, verset. 2 Corinthiens 5. Verset 6 à 7. Oui, c'est bon. Dans ce 2 Corinthiens 5, une question de. On dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui. La question que je voulais poser, c'est comment peut-on dire que nous demeurons loin du Seigneur, or que l'Esprit est supposé être dans la personne. Révélez encore ce qui est écrit. Oui. Nous sommes toujours pleins de confiance. Mmh. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps. Oui. En réalité, tu as lu au verset 6. Le verset 16 à 18 du chapitre 4 est en train d'introduire une notion. Et ça tombe au chapitre 5, où il parle des tentes. Lis là-bas, chapitre 5, partie verset 1. Chapitre 6. Tu es dans quel chapitre, frère? 5, verset 6. Tu étais au verset combien? 5. Il dit qu'il va au verset 1. Lis ce qu'il dit. Nous savons en effet que si cette terre, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Oui. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Oui. Et par conséquent, aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. C'est-à-dire que notre ici n'est pas permanent. Ceci n'est pas permanent. Et la Bible déclare que nous sommes étrangers sur la terre. Quand tu es étranger, ça se trouve que tu as une maison quelque part qui t'attend. N'est-ce pas, frère? Et donc, comment tu dis que l'apôtre Paul utilise l'expression que nous sommes ici, nous sommes loin du Seigneur? Justement, nous voulons, chacun veut aller. Dans l'île des Philippiens, il dit qu'il est pressé des deux côtés. Il est pressé des deux côtés. Il désire aller auprès du Seigneur. Pour aller auprès du Seigneur. Ça veut dire qu'il veut quitter cette ça veut dire mourir. Il dit ce qui est davantage meilleur. Bon, entre toi maintenant et moi. Quand tu vas à la chaleur, tu te dis quand on prie, il y a la chaleur, non? Si tu es auprès du Seigneur, là, c'est chaleur, là. Hein? Bon, tu choisis quelle? Aller auprès du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, tu aimes la mort. Comment tu veux que tu me regardes comme ça? C'est ce qu'il a envie de dire. Et tant que nous sommes ici, tant que nous sommes sur la terre, nous sommes encore ici en bas, nous sommes loin du Seigneur. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous dans sa perfection comme il le veut désirer là-bas. Où il a tout le contrôle sur nous. Ici, nous avons les aléas de la vie qui nous trimballent encore. Les chutes et les rechutes de chaque jour. Alors que là-bas, on est dans la présence du Seigneur où lui seul est adoré. Dans toute son expression. D'accord? Des questions? J'ai une question au niveau du psaume 50. Psaume 50, oui. Dans ce patient d'abord que les gens puissent retrouver. Mm-hmm. Chaque fois que vous voulez donner un verset biblique, patientez que les gens y ouvrent. Pour que chacun lise pour savoir de quoi est question. Oui. Psaume 50 au niveau du verset. C'est par rapport à retirer son esprit saint. Non. Ok. Par rapport au jugement. Mm-hmm. Allons-y. Il est à partir du verset 3. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Mm-hmm. Devant lui un feu dévorant. Oui. Autour de lui une violente tempête. Oui. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Mm-hmm. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Oui. Et les cieux publieront sa justice. Amen. Car c'est Dieu qui est juge. Oui. Je pose maintenant la question. Ceux qui ont fait alliance avec lui, oui, pas le juge. Le juste juge, le jugement dont il est question. On ne parle pas de parler de leur juge. Là, ça parle de quoi? On ne parle pas de parler de leur jugement. Regarde oui, encore, le juste juge. On parle du juste juge dans ce contexte. Pour ceux qui ont fait alliance avec lui là, quel est le rapport entre ça et le jugement? Ça traduit réellement. Bon, relis encore, observe bien. Vous voyez, c'est la dernière fois que je vous ai parlé ici, que faites attention avec les tournures que la Bible prend. Le langage que Dieu utilise dans la Bible à lui peut nous amener à ne pas comprendre certaines choses. Si vous lisez Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, les versets 13 jusqu'au verset 18, vous allez voir ces gens retournés là-bas. Le Seigneur va dire là-bas que vos paroles sont rudes contre moi. Et il dit, et vous dites, en quoi est-ce que nous sommes, notre parole est rude? Il dit que parce que vous dites, nous sommes lassés, c'est en vain que nous avons servi l'Éternel, nous avons créé l'Éternel. Nous trouvons quoi? Que les méchants sont plus prospères. Il dit qu'en disant ça, vos paroles sont rudes. Maintenant, si vous utilisez les dictionnaires mondains, vous prenez la ressource vraiment rude. On va dire que c'est le mot violent. Des choses, des paroles blessantes. Mais Dieu dit, nous sommes fait de dire que pourquoi telle personne a telle maison alors que moi qui sais Dieu n'est pas cela. À cet instant, Dieu dit que tu es rude contre lui. C'est pas ce que vous saisissez. Voilà l'une de ces choses. Or, Dieu dit ici, il y a quelque chose qu'on a de révéler. C'est le moment du grand jour qu'on a toujours attendu où Dieu va justifier son peuple en jugeant les autres. Mais quand tu les situes, tu as comme impression qu'on a parlé de les rassembler pour les juger. Non, c'est les rassembler pour les protéger afin de leur donner victoire. C'est en fait, dans le livre des psaumes d'Ésaïe 63, complétez cela avec le psaume Ésaïe 63, notez. Ésaïe 63. Notez Ésaïe 63, arrivez, c'était ce qui se trouve. Donc, quand vous voyez les tournures de la Bible, il dit rassembler avec moi, mais. mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il dit rassembler avec moi, on ne rassemble pas avec lui pour le juger. Non. C'est pour les prendre sur ses ailes pour prononcer les jugements sur les autres. Donc en fin de compte, c'est le jour donc que l'apôtre Paul parlait dans ce livre des 2 Corinthiens là. Le jour où on soupire tous pour parvenir ce jour-là. Ah, ouais, c'est la couture de mon maman, elle est très belle. Ouais, sa couture là, maman Véro. C'est une belle couture. Et vous voyez comment c'est assorti avec son foulard là. Bien attaché. Que Dieu la bénisse. Vous voyez que les femmes ici, vous êtes habitués avec les foulards là, avec votre façon d'habiller, que on dit n'importe quoi maintenant, que vous êtes devenus des grandes mères, ça ne vous dit plus rien, non? On finit par s'habituer par n'importe quoi sur la terre ici. Donc, Esaïe 63, vous voyez, il dit qui est celui-là qui vient des bosses, le vêtement teint de sang, vous souvenez, n'est-ce pas? Il dit qu'il y avait un jour de colère était dans son cœur, et l'année de ses quoi? De se racheter est venue. C'est le Seigneur, le jour de vengeance. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, la Bible déclare qu'il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous créent affliction et de vous donner l'héritage avec lequel les sanctifier. Donc il y a le jour où Dieu va proclamer le jugement avec, sur le peuple qui se trouve sur cette terre, ce qui est en train de mépriser. Chaque insulte qu'on aura fait sur un chrétien à cause du nom de Jésus, ne vous inquiétez pas, ils vont payer. C'est-à-dire que tu es parmi les Alléluia, regarde-moi comment tu es. Ça, ils vont rendre compte. Dans le DMP, la Bible dit que personne ne souffre parmi vous comme étant malfaiteur ou bien comme s'ingérant dans les affaires de Dieu. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. La Bible va même plus loin en disant que c'est la preuve du juste jugement de Dieu contre eux. Donc ça veut dire qu'en clair, s'il y a n'importe quoi qui arrive en tant que chrétien, ne te défends pas. Si vous vous défendez, vous faites justice vous-même. Enfin, même dans la loi humaine, quand quelqu'un vous tape, vous tapez en retour, vous allez rendre compte de la justice. Mais si vous laissez faire, la justice parle au-dessus, vous serez protégé. Mais si vous allez tuer quelqu'un ou bien taper quelqu'un, on dit que vous n'avez pas le droit de vous rendre justice. La justice est là pour cela. Donc, alors maintenant, pour que Dieu puisse te justifier plus tard, il faut qu'on te fasse n'importe quoi, tu ne réagis pas. Pour que ça reste aussi dans le compte de cette personne. Ne vous vengez point, dit la Bible. Ne vous vengez point. D'accord, mon cher frère. Maintenant, rentrons dans ces Isaïe, dans ces Jean chapitre, psaume 50. Allons-y encore, relis le psaume 50 là avant qu'on avance. En tout temps, si vous avez des questions préparées. Psaume 50 à partir du verset 3 encore. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Oui. Devant lui un feu dévorant. Oui. Autour de lui une violente tempête. Oui. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Oui. Rassemblez-moi mes fidèles. Oui. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Oui. Et les cieux publieront sa justice. Oui. Car c'est Dieu qui est juge. Amen. Notez Juge chapitre 1. Jude. Verset 14. Vous aurez suivi ces paroles-ci, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive soit le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc après qu'il ait rassemblé les saints, il dit que toi tu as été fidèle pour une petite chose. Prends ceci. Toi tu as été fidèle maintenant ceci. Après maintenant on va mettre les trônes pour le jugement. Ceux qui vont s'asseoir d'avoir le pouvoir vers les deux maintenant que ok, tu vas juger telle personne, tel groupe de personnes à qui tu avais parlé sur la terre. Toi tu vas juger telle personne. Souvenez-vous, si quelqu'un prêche, il quitte la scène et sa voix est à la radio. Vous qui écoutez, vous êtes toujours sur le coup du jugement de cette voix. Souvenez-vous d'un, d'accord? Amen. Des questions? Oui, mon cher. Dans Colossiens 1, à partir du verset 9. Vous entendez là-bas? Hein? Je ne sais pas comment il va faire ici. Je crois qu'il va falloir qu'on mette des micros sévères pour parler à notre discuteur. Dans Colossiens chapitre 1. Oui. À partir du verset 9. Oui, jusqu'au verset. Jusqu'au verset 12. Oui, donc 9 à 12, oui. C'est pour cela que aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Oui. Portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Mmh. La question que je voulais poser, parce que on dit que vous soyez rempli de la connaissance et de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mmh. La question que je voulais poser, c'est, je ne comprends pas très bien de quoi est-ce qu'il est question. Ouvre Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. C'est tout juste à côté là. Maintenant, lis à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Il est écrit. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché. Non, lis le verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Continue. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Oui. À cause de cela, écoute bien maintenant, écoutez très attentivement. Aussi, les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Oui. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mmh. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les soulignez, saints. Soulignez, vous puissiez comprendre. Oui, continuez. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. En nous maintenant avec tous les saints. L'apôtre Paul, comprenant la dimension de ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix et le plan éternel que Dieu avait dans son cœur, arrivé ici a commencé à saisir véritablement le plan parfait et l'implication du fait que si on ignorait ce plan. Et donc il dit qu'à cause de cela, lorsqu'il voit ces choses clairement de ce qui est révélé, il dit fléchit le genou devant le Père duquel tu toute famille ou sa frère. Dans les cieux et sur la terre. Donc, je veux que vous m'expliquiez d'abord avant qu'on avance. Comment il y a les familles dans les cieux et sur la terre? Il parle de quoi? La Bible nous informe déjà qu'il y a la famille dans les cieux. Quelle famille? Donc, voilà, ton grand-père peut-être là-bas, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Comme vous avez dit, vous avez le qui a la famille au village? Vous avez la famille au village. Donc, il y a la famille en ville, la famille au village. La ville pour nous, c'est le ciel. Le village, c'est ici. On a des parents là-bas. Vous avez entendu, celui qui fait ruiner à ses pères. Amen. Pour de toute façon, continuer, c'est même pas le sujet. Maintenant, alors, il dit que lorsqu'il voit toutes ces choses, hein, il fléchit le genou devant le Père duquel tire toutes les genoux, les familles dans le nom. Donc, les gens qui sont là-bas, on sont du même nom. Donc, la famille Tchabdaki au village, c'est la famille Tchabdaki au village ici. Où est cela, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre un bon sujet là, d'où vous venez. Votre origine. Et quand on va voir ce sujet là, votre origine, n'est-ce pas? Ok, donc maintenant, après il dit que il prie donc devant Dieu pour que Dieu nous donne de comprendre, d'être puissamment armé pour qu'on puisse comprendre. Donc pour que le Saint-Esprit vienne nous révéler la volonté, les choses qui se cachent pour le Saint, avec tous les saints. C'est sa prière là-bas. À Timothée, quand il va donner les ordres à Timothée, il va dire que comprends ce qu'il dit, car le Seigneur te donnera l'intelligence pour sa volonté. D'accord? D'accord, frère? Amen. Maintenant, nous sommes dans le chapitre 3 d'Éphésiens, n'est-ce pas? Alors, chapitre 5. Prends le 15 à suivant. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Oui. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Oui. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Écoutez. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Stop. Donc, il dit qu'on rachète le temps car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais plutôt on fasse quoi? Qu'on rachète le temps. Mais il dit que ne soyez pas composé. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Lorsqu'on comprend la volonté de Dieu et quand il marche, on est dans la droite ligne de la destinée qu'il a tracée pour nous. Mais lorsque les gens n'ont pas saisi ce qui se passe dès le temps, on va commencer à suivre les gens comme la religion. Comme on a dit dans ces deux pierres, que plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause de Dieu. Maintenant, ici, on a quelque chose. Un plan qui se déroule devant nous. D'autres personnes ne saisissent pas, mais il dit, les saints doivent saisir et comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quand vous comprenez quelle est la volonté de Dieu, et là où ça allait nous aboutir, tout ce qu'ils ont fait dans le monde, là, ça ne t'inquiète pas. Amen. Des questions, frère? S'il n'y a pas de questions, je prends un passage dans la Bible et on commence à construire. Oui, mon frère Blaise. Dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, oui. Verset 4. Oui. Là, il est écrit car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, oui, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, oui, vous le supportez fort bien. Oui. Ma question est celle-ci, est-ce que quand la Bible parle d'un autre Jésus, oui, Je voulais comprendre ce verset. Si c'est autre Jésus, c'est une personne en fait qui a existé, ou bien les explications qu'on parle d'un autre évangile, bien autre esprit, c'est pour faire comprendre que non, tout ce qui est comme faux, ça peut se... Mon frère parle mieux avec son doigt plus que sa bouche. Il peut comme ça, il me déplace mon regard et dit que ça peut... Comme quelqu'un qui jouait le piano. Ça peut... comment on dit ça? C'est sa main qui a débougé. Donc en fait, tout ce qui n'est pas selon la saine doctrine peut, oui, se confondre à ce autre Jésus dont l'apôtre Paul parle ici. Le problème, c'est que cet autre Jésus n'a pas un seul évangile. Cet autre Jésus n'a pas un seul, il en a plusieurs, ramifiés pour que si tu échoues dans un, tu échoues dans l'autre. Mais la saine doctrine n'est pas deux. Il n'y a qu'une seule saine doctrine parce qu'il ne fait pas sa partage, pas sa gloire. L'autre Jésus, comme ça, est usurpateur, est obligé de faire le faux en multipliant pour pouvoir avoir la chance d'avoir les gens, le grand nombre de son côté. Il faut donc qu'il y ait faux. Verset 13, lis le verset 13, qu'est-ce que ça dit? Ces hommes-là, rapidement, ces hommes-là sont des faux apôtres. 1. Des ouvriers trompeurs. 2. Déguisés en apôtres de Christ. Stop. Vous voyez? Remarquez ce qu'il dit là-bas. Il n'est pas dit là que ces hommes-là sont les faux apôtres de Christ. Parce qu'il n'y en a pas de faux apôtres de Christ. Ou bien vous êtes apôtres de Christ, ou bien vous n'en êtes pas. Il dit, ces hommes-là. Le démonstratif qu'il utilise là-bas, ça dit qu'il en est de doigter quelqu'un. Parce que là-bas, il présente son apostolat et il présente encore en disant que ces hommes-là qui sont descendus, que c'est une influence qui venait de d'autres personnes qui venaient prêcher. Et dans le livre de Galates, il a dit que quiconque qui produit cette influence parmi vous, cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et donc, quiconque porte cette chose-là parmi vous en paiera le prix, en portera le prix. Ça veut dire que si quelqu'un scandalisait quelqu'un qui a eu la saine doctrine et qui a fait dévier quelqu'un, il est fini. Le Seigneur avait dit ça, n'est-ce pas? Maintenant, il dit ici dans un verset 13, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, virgule, des ouvriers trompeurs, déguisés, entourés, déguisés. Je vais vous prendre un bon exemple de déguisement. Quand vous voyez les stars de la télévision, une fille vient, elle commence à coiffer, voilà, c'est coiffer cette... Comme cette fille Rihanna, elle fait comme ça, elle met un peu les rouges, elle lève haut là-bas. Après, elle va au miroir, se filme, elle met son photo à côté de Rihanna pour faire tout pour que la ressemblance soit là. Elle a déjà fait quoi, frère? Quand vous voyez une femme, le jour de son mari, elle peinture ses yeux, elle met les fards pour que ça brille bien sur ses yeux. Elle chauffe les cheveux, elle met les trucs sur ce qu'elle regarde comme ça, comme la digne fille de Jezabel. Elle a déjà fait quoi? Gardez-vous à l'esprit ceci. Maintenant, qu'est-ce que c'est que donc le déguisement? Donc quelqu'un qui a porté un masque, ça veut dire que ce qu'il présente, le visage qu'il présente n'est pas le vrai, mais ce visage a pour but de tromper. Enfin, on a dit là-bas des ouvriers, des ouvriers trompeurs. Maintenant, gardez-vous le mot. Vous avez vu le mot ouvrier. Quand on dit ouvrier, ça se passe à l'œuvre. Ils sont dans le même champ de mission que la commission de nos disciples. Parce que Jésus a dit, la moisson est grande. Mais les ouvriers sont priés dans le maître de la moisson d'envoyer. Non, pas dans la moisson. Encore, c'est ce qui est écrit dans ce livre de Luc, chapitre 10. Il dit, priez dans le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Maintenant, ici, il est dit que ces gens, ce sont des ouvriers trompeurs. Donc, ils œuvrent dans cette même de moisson, mais ils sont déguisés parce qu'ils ont porté un masque. Mais le masque, c'est que ça fait au point où ils peuvent tromper les gens. Il va falloir maintenant que nous voyons ce que c'est que les masques des mauvais ouvriers. Notez cela, il faut qu'on voit cela un de ces jours-ci. Quand vous allez voir ça maintenant, quitte à vous maintenant de vous laisser tromper. La Bible a fait état, c'est-à-dire qu'on a décrit le crayon qu'ils utilisent, le rouge, la couleur qu'ils utilisent. Quand ils portent les faux cheveux qu'ils utilisent, parce que ça c'est le caractéristique des masques. On te déguise, vous voyez un homme qui veut passer par l'aéroport, qu'on ne puisse pas le voir. Il dit que la meilleure façon c'est qu'il porte le rouge à lèvres, les sabots. Quand on dit, vous voyez le talon des femmes. Et puis les bonjours, comment on appelle ça? Les molaires. Soit c'est une bassa là-bas, non, ou bien c'est un garçon qui a joué au ballon, le petit goal quand il était petit. Vous voyez que son pied n'est pas raffiné comme pour les femmes. Moi, ce sont déjà les femmes qui ont fréquenté là où il y a les collines, où il faut porter le bois pour monter. Vous voyez que son visage est directement inversement proportionnel à la qualité de ses pieds. On sent que c'est quelqu'un qui s'est déguisé. Et puis vous faites comme ça, c'est l'orange qu'elle avait mis là-bas avec les mousses. Elle s'est déguisée. Donc vous pouvez voir maintenant les techniques qu'on enseigne pour pouvoir démasquer les différentes choses qu'on a déguisées. Ici, on dit que ce sont des ouvriers trompeurs. On dit déguisé, mais la première chose qu'on a dit maintenant, qu'il faudra qu'on corrige notre langage, c'est que ce sont des faux apôtres. La Bible ne peut pas mettre faux serviteur de Dieu, jamais, nulle part. La Bible ne peut pas mettre faux pasteur de Dieu, ou de faux homme de Dieu. Il n'y a pas de faux homme de Dieu. Il n'y a pas de faux pasteur de Dieu. Il y a faux pasteur, il y a faux prophète, il y a faux apôtre. Il y a l'apôtre de Christ. Et s'il est faux, c'est en vertu du fait qu'il y a le vrai. Et le vrai ne devinera jamais le faux. C'est ainsi dit la parole. Et le vrai ne deviendra jamais le faux. C'est ainsi dit la parole. Et le faux ne deviendra jamais le vrai. Même si quelqu'un est vrai, il fait les erreurs. Vous pouvez avoir un vieux de 10 000 francs dont une partie des chiffres a été coupée. N'est-ce pas, frère? Vous avez un vieux de 10 000. Et donc, vous avez fait par suite d'une manipulation. Vous avez coupé les chiffres, les numéros, c'est ce qu'on va appeler les numérotations. Vous passez dans le détecteur des biais, vous détectez les biais, ça présente que c'est un vrai. On ne peut pas prendre ça parce qu'il y a un défaut ici. C'est un vrai biais, mais on ne peut pas prendre parce qu'il y a un défaut. Donc, il peut y avoir des serviteurs de Dieu qui ont des erreurs, mais ça ne fait pas de serviteurs. Ils ne seront jamais rejetés. Écoutez bien cela, ils ne seront jamais rejetés devant le Seigneur parce que ces erreurs ont pour but d'enseigner. Je vais aller dans la Bible, je vais vous montrer lorsqu'on va voir ces choses-ci. Donc, ces erreurs-là sont différentes du masque. Vous voulez comprendre quelque chose? Écoutez ce que le Père a dit. Regardez. Quand cette voix s'est tenue là-bas, il dit, est-ce qu'on peut cueillir la goyave sur le manguier? Répondez. Non. Si vous avez trouvé la façon aujourd'hui qu'on peut cueillir le goyave sur le manguier, allez dire ça à Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 17. Notez Matthieu chapitre 17. On peut pas cueillir la goyave sur le manguier, n'est-ce pas? Si vous faites le greffage, vous savez ce qu'on appelle la greffe en entant là, en entre. Vous coupez la branche du goyavier. Vous allez agrafer ça sur le manguier. Quand ça va finir de se cicatriser, les branches vont se souder. Quand la sève va monter à l'intérieur, quand le sang de l'arbre va monter à l'intérieur des branches, la branche du manguier va produire la mangue, la branche du goyave va produire la goyave. Mais tout en portant la sève du manguier. Ce genre de mangue là, vous allez sucer, vous allez sentir le goyave dedans, ou bien si on a greffé plutôt le goyave, vous allez manger la goyave, vous allez sentir le saveur des mangues parce que ça porte la semence. La substance de manguier, mais jamais la branche ne produira pas un autre fruit que ce qui lui a été destiné. Parce qu'il n'y a pas de souche. Vous suivez, n'est-ce pas? Et c'est normal. Un chiot peut naître et sa maman meurt. Vous le nourrissez avec le lait des vaches. Un chiot peut avoir perdu sa maman à la naissance. Ou bien même les veaux, que vous avez le veau à la maison. Ils naissent, la maman meurt. Ils donnent naissance. Donc, en mettant en bas, la maman meurt. Même la femme enceinte peut têter et faire grandir cela. Mais sur quoi? Mais s'il veut produire, il va produire quoi? C'est pas parce qu'il a sucé le lait là qu'il va accoucher d'une personne. C'est la loi que Dieu a mise. Parce que la sémence ne se trouve pas dans le lait. Amen. La sémence se trouve dans le type. Alors dans ce Matthieu chapitre 17, il dit que c'est à leur fruit donc que vous les reconnaîtrez. Donc, si vous prenez la goyave, on ferme les yeux, tu touches la goyave, tu connais la goyave, tu dis ça c'est la goyave. Parce que tu connais ce que la goyave. Si vous allez sur un manguier un jour, vous voyez en bas le papaye. Soit c'est des choses de lui, soit quelqu'un vient manger, ou bien laisser sa mère, parce qu'on ne peut pas sortir de cette table-là. Parce que la réponse de la question que le Seigneur Jésus a posée là-bas, c'est non. Vous comprenez, frère? Amen. Puis il conclut, c'est donc par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits. Il vient à vous en vêtements des... Mais à l'intérieur, ce sont des... N'est-ce pas la même chose que l'apôtre Paul a dit ici? Donc ça dit que... C'est, ils sont masqués. Alors si on est à une heure de grande séduction et qu'on ne connaît pas quel est le masque que les pasteurs ont porté, on a des problèmes. Vous devez découvrir le masque. La Bible a décrit les masques qu'on utilise. De temps en temps, vous voyez un pasteur, vérifiez seulement s'il a porté ses vêtements. D'accord, frère? S'il a porté ses vêtements là, sachez de qui on parle. Oui, il ne suffit pas de porter la Bible comme ça, porter le corban pour être appelé serviteur du Seigneur. Serviteur du Seigneur, la Bible n'authentifie pas quelqu'un comme serviteur du Seigneur quand il la porte. Le col pastoral, encore moins, l'éloigne encore. Le col pastoral, le style d'habit et de frange le met dans une catégorie de malédiction. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Donc, ce n'est pas cela. Alors, quand il dit un autre Jésus, celui-là est un, comme Jésus est un, mais il a une diversité d'évangiles. Et ces évangiles sont révélés là-bas. C'est pour ça que plusieurs fois, je vous dis que les hérésies doivent sortir de la Bible. Même Mohamed, avant que quand le démon l'a possédé là-bas au désert, pour qu'il vienne prêcher sa fausse doctrine, il a dû s'appuyer sur la Bible. Il commence à parler de Moïse, des prophètes et autres là-bas que nous connaissons, nous croyons aux prophètes. Il dit, croyons ce qui est descendu envers sur vous avant nous. Bon, il dit comme ça, nous croyons. Demandez à un musulman que tu crois en Jésus, dit oui, je le reconnais comme prophète. Jésus n'a jamais dit qu'on le reconnaît comme un prophète, c'est pas en cela. Tu reconnais que le président de la République est prophète, que Paul Biya est prophète, président de la République, ça fait quoi? Il te connaît? Il te connaît pas. Que je ne le reconnaisse pas, il n'est pas quand même président de la République. Ce n'est pas avant toutes les questions. Donc, toutes les doctrines, si les sources et veulent à s'appuyer sur la Bible, même au Moyen-Orient, vous allez voir les lois qui les énoncent, ils vont dire que c'est pour cela que le Christ, qui était un grand maître dans l'univers, au niveau du plan astral, a dit que, en prenant les versets dans la Bible, la franc-maçonnerie base beaucoup plus les enseignements sur le livre des gens, l'amour. Si vous avez côtoyé les francs-maçons, vous allez voir de quoi il est question. Ils vous enseignent le livre des gens comme ça. Ils enseignent l'amour comme ça. C'est toi-même qui est chrétien, tu dis mère. Regardez comment ils s'aiment entre eux. Mais c'est l'amour de l'enfer, souvenez-vous. Toute doctrine pour vous enseigner sur la terre. C'est pour ça que donc, c'est les débats sur l'opinion. Vous allez voir que c'est la chrétienté qui est beaucoup plus marginalisée. Comment faire un peu quoi? C'est pour dire que c'est chrétien. Parce qu'en fait, le monde, ça sent que ce n'est pas notre place. Alors, il y a plusieurs évangiles. Un seul Jésus. Et donc, son esprit. C'est cette influence-là qui vient des fausses doctrines. Vous recevez une fausse doctrine. Et la Bible déclare dans le livre de Timothée que plusieurs personnes viendront à la fin de temps avec les doctrines de qui? On a dit des doctrines, des enseignements. Donc, il y a d'autres qui disent presque qu'on ne veut pas se marier. C'est une doctrine des démons. D'autres disent que de s'abstenir des viandes que Dieu a créées. C'est une autre doctrine des démons. Vous allez voir des gens qui, dans leur dénomination, ils disent que nous, dans notre classe, nous ne nous marions pas. Ils vont trouver des justifications dans la Bible que l'apôtre Paul ne peut pas marier, par exemple. Parce qu'il faut que toute doctrine soit soutenue, toute hérésie soit soutenue dans la Bible. Vous comprenez, frère? Mais... D'autres qui disent que non, nous sommes le pasteur, nous pouvons nous marier même avec 700 femmes. Salomon a déjà eu cela. Ils ont pris ça où? Dans la Bible. D'autres, il y a d'autres encore aux États-Unis, des pasteurs qui s'habillent nus. Ils viennent officiant comme ça. Leur culte tourne autour du serpent. Tout le monde manipule le serpent là-bas. Manipule le prêtre qui avait créé cela est mort. Le vice-pasteur est mordu par le serpent. Il dit comme ça, il prend. Vous lisez la Bible, ils saisiront le serpent. Il ne le montre pas. C'est pas ce qu'il écrit chez toi. Hein? Il pense à dire, ouvre ta Bible, tu ouvres, il lit. Quand quelqu'un vient de nouveau là-bas, il vraiment regarder que mais ça c'est quand même fausse église. Parce que le pasteur est nu, la femme est nue, tout le monde est nu à l'intérieur. Et ouvrez Marc, on va lire, elle est fresh de gospel. Fresh de gospel, oui, gospel, good news. Alors c'est good news, c'est-à-dire que si tu crois, tu saisis le serpent, c'est pas va te mourir. Dieu a dit que tu peux attaquer, frère. Non. Et dans la Bible, nous voyons dans l'huile, Acte de l'apôtre chapitre 28. L'apôtre Pokéa, vous savez quand il était à côté du feu là-bas, à Mal, lorsqu'il a pris les herbes comme ça, avec quoi là-bas, frère? Serpent. Serpent, la vipère. Quand ça te pique, tu sais de quoi il est question. Mm-hmm. Les gens ont commencé à se dire, cet homme-ci, c'est vraiment un gros criminel. Vous voyez comment les gens portent leur péché, non? Parce que même l'eau là qu'il a fait échapper là-bas, l'a fait échapper jusqu'ici maintenant. Vous voyez, quand le mal arrive à quelqu'un de façon suicide, ça ne veut pas dire que c'est Satan qui est derrière. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en règle avec le Seigneur. Il a échoué sur, dans les îles, ça a saccagé. Cette nuit-là, l'ange est venu lui dire qu'on te donne tous ceux qui sont sur ce bateau. Ils sont tous sous ta vie. Non? Il n'est pas comme les chrétiens. Il dit que Seigneur, noie-les. Ils sont tous sortis. Il les a préservés la vie. Arrivé là-bas, le serpent était entre ses mains. Il a regardé comme ça le serpent. Il a secoué là-bas. On a attendu. La Bible déclare que les gens attendaient qu'ils tombent, ils gonflent. Personne n'a attendu. Ils ont compris quoi? C'est un dieu, parce que si le serpent est mort, tu meurs parce que je suis un dieu. Mais ceux-ci passent le temps dans leur dénomination là-bas, ils manipulent le serpent. Le pasteur fait ça, il a fait ça la nuit, ça a mordu son visage. Quand il a mordu le visage, il était là comme ça, il grittait, la sueur coulait partout. Il croyait toujours que non, je ne serai pas, que si boive quelque pouvoir mordre, il est mort. Prendre un verset biblique, sans être autorisé par le Saint-Esprit, tu tentes le Seigneur. Écoutez, prenez la Bible, écoutez bien. On dit que c'est une parole à double tranchant. Cette parole, c'est une épée à double tranchant. C'est épuré, sept fois épuré. Ça dit sept fois épuré, frère. Quand vous mettez quand vous voyez les gens qui font la chourinerie, ou bien blasphème, comment vous appelez blasphème en français? Blasphème, c'est quoi? Blasphème, ceux qui font le feu, vous, le forgeron, voilà. Le forgeron. Quand ils font ces choses-là, ils tapent sur le feu, ils tapent. Ça ne va pas, il pointe dans le feu. Jusqu'à ce qu'il tape pour donner la forme, il tape, il met dans le feu. On dit que pour la parole comme ça, c'est sept fois épuré. Non, c'est nettoyer sept fois. Donc avant de t'y approcher, il faut savoir de quoi il est question. Vous prenez la parole de Dieu, vous prenez comme c'était le jeu. Quand ça rentre vers toi, tu vas confirmer que c'est la même parole-là. Alors il parle, c'est pas, il manipule. Non, c'est seulement son verset là-bas. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient comment? Il est nu. Prenez il y a d'autres chrétiens qui marchent avec le verset biblique partout. Quand il est n'importe où, tu vois, Dieu a terminé le mot qu'il a envoyé son fils, je ne réponds pas, je ne réponds pas. Tu sais pourquoi tu portes comme ça? Dieu a dit qu'on écrit ça sur les lenteurs des portes. C'est toi qui la portes. Vous voyez les problèmes qu'on a. J'avais rencontré un de leurs à l'aéroport, on était assis là, le temps d'attendre les gens qui venaient dans l'avion. J'avais ma barre à ce moment-là. Il croyait que tu es musulman. Il dit que pourquoi tu mets les versets de la Bible, c'est comme ça. C'était dans ta Bible, c'est Dieu. Il dit c'est dans Deutéronome. Il dit, quand Deutéronome, il a donné un verset que ça n'a rien à voir. Mais pour pas me dévoiler que c'est pas ça là-bas. Il dit, ok, je vais aller chercher. Il va chercher mon pasteur. Il avait dit que c'est comme ça. Donc on lui a seulement informé qu'il faut seulement porter la Bible. Mais en toile de fond se trouve le commerce. Vous allez chercher loin, vous allez voir que c'est la femme du pasteur, on achète, qui coûte cette paille-là. Ils ne savent pas qu'ils sont sous l'ancien. D'autres encore marchent seulement nus. Nus pieds. Tu dis, vous faites quoi? Il dit, quand Dieu s'est approché à Moïse, il a dit, oh toi, les souliers là-bas, le lieu où tu as appelé est saint. Nous sommes à Horeb ici, frère. Là où tu te trouves, c'est à Horeb. Tu marches partout, tu marches pieds nus. D'autres portent seulement le gandoura blanc. Ils portent le blanc. Blanc partout. Quand ils portent n'importe quel habit, ils lancent le blanc partout. Tout ça, parce qu'ils disent que c'est le signe de la pureté. Ouais, on a des problèmes. Ils marchent pieds nus. C'est quelque chose de pique, il va dire que non. Ils marchent comme ça parce que la terre est quoi, frère? Sainte. D'autres portent de l'habit, ils marchent comme j'étais en train de dire, ils marchent partout, il a les habits sur lui, que ce soit au travail ou là, les habits. Si on le persécute, il va dire qu'on le persécute à cause du nom de Jésus. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'est pas un ami particulier, c'est dit là, non, pas. Qu'est-ce qui se passe? Chacun coupe une partie, il s'avance. Des ouvriers trompeurs. Le regardez très attentivement que c'est dans la Bible que ça sort. Toutes les fausses doctrines passent de la Bible, toutes les fausses doctrines. Simon le magicien qui a demandé à Étienne, à l'autre, les vivants de le nom. Vous connaissez la doctrine qu'il a créée jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, elle est ici, Simon le magicien. Vous savez ça, hein? Des questions avant qu'il parle de là. Donc, un de ceux que je viens ici, si vous avez demandé qu'on parle de ces masques, les masques des faux serviteurs. Il n'y a pas dit les marques. Les marques, c'est autre chose. Les masques. Parce qu'on a dit qu'ils sont déguisés. On dit que ce n'est pas étonnant parce que leur maître, Satan, se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étonnant que ses serviteurs se déguisent en ministre de justice. Vous entendez ça? Ministre de justice. Minister of righteousness. Alors, ça veut dire qu'il peut prêcher. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas prêcher que jusqu'à n'est pas mort à la croix. Non. Il y a des points, des angles. Des points, des angles de la doctrine où on ne peut pas franchir. Parce que leur nature leur interdit de franchir cela. Leur nature leur interdit de franchir cela. Vous avez mon frère? Amen. C'est point de doctrine. À l'instant, vous restez là-bas. Vous regardez, vous contemplez l'angle du mur qui change de sens. Vous allez voir que la pierre d'achoppement se trouve là-bas. là on change de sens. La pierre de l'angle, la pierre de fait se trouve là-bas. Il attend tout bon ouvrier au pied du mur. L'autre dit, il a placé les fondations dans les doctrines comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus, c'est-à-dire sur les doctrines, les fondations de l'église. Les fondations de l'église sont bâties sur les doctrines de Christ. C'est la saine doctrine. Vous en écartez, votre maison va chambouler. Alors, allez seulement dans la Bible, faites des recherches et regardez qu'est-ce que c'est que la saine doctrine pour que l'apôtre Paul puisse écrire dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3 que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines sans s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur, première marque, il est enflé d'orgueil. Vous entendez ça, frère? Il est quoi? Enflé d'orgueil. Des questions posées? S'il n'y a pas de questions, je prends quelque chose et on observe. On y va. Jean. Ça chauffe ici chez vous. Quand vous êtes venu nombreux alors, je dirais, vous produisez les chaleurs. Chapitre 6 des Jean. Je vais parler un temps soit peu dans cette première partie du Père te connaît. Le Père te connaît-il? Le Père te connaît-il? On y va. Jean chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 38. Jean le chapitre 6, verset 38. On va faire dans cette première partie. On va voir. Le Père te connaît-il? Supposons qu'un parent fait la revue de ses enfants à la maison. Il sait qu'il, avec Catherine, il a deux garçons et une fille. Pendant qu'il est en train de faire l'appel le soir, un autre méchant sort, l'autre papa, c'est ton enfant. Vous penserez quoi? Quand je dis papa, c'est qui? C'est Nicolas. Nicolas, tu veux quoi? Je suis ton enfant. Donc le papa informe, l'enfant informe le papa qu'il est son enfant. C'est pas pour créer le problème dans ces foyers là, frère. C'est pour créer un vrai problème. Et c'est ce qu'il en est. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Jean chapitre 6, donc. Verset 36 est suivant. Prenons à partir du verset 35 même. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Vous y êtes? Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne. Hein? Corrigez son sens à votre Bible. Vous qui avez la version de Dieu, c'est bon. Vous voyez qu'on a le problème ici. Dieu ne lui donne pas les objets, c'est tous ceux. Ça, c'est là-bas, n'est-ce pas? Ah, corrige, écris au-dessus ceux. Oh. Tu as suivi, frère? Corrige. C'est quoi ici? C'est ceux là-bas. Mais ce qu'on va nous tuer ici. C'est tout. Si vous avez ceux dans votre version, écrit ceux au-dessus là-bas. Parce qu'il parle des êtres humains ici. D'accord? C'est ceux. Donc, il y a d'autres personnes qui ont ceux. Si vous avez ceux, c'est lui, c'est comme mon frère. Tous ceux qui ont ceux, écrivez au-dessus ceux. Donc c'est tous ceux. Regardez bien. Tous ceux. Que le Père me donne viendront à moi. Si vous mettez CEX, normalement vous devez accorder, non? Alors, si c'est accordé là chez vous, si il y a CEX chez vous, ça veut dire forcément ça va être accordé. Maintenant, tout ce que le Père me donne viendront. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous voyez effectivement que si vous écrit ceci et celui, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas comment on peut faire ces choses dans la Bible. Pourtant, c'est des grandes vérités bibliques ici. Pourtant, ici sont révélées, dans ces lieux sont révélées les grandes vérités de la Bible. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, autrement dit, le but principal pour lequel je suis descendu. Pas vrai, frère? Il dit au verset précédent, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Puis il dit que cette volonté-là, la voici. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quoi, frère? Je ne veux rien de tout ce qui m'a donné, de tout ce qui m'a donné. Ok. De tout ce qui m'a donné. Mais que je lui donne quoi? Maintenant, regardez. D'après ce qui est dit ici, il y a des choses qui sont passées à notre dos, derrière notre dos, sans vous. Il y a des choses, notez Ésaïe 53. Ésaïe 53, notez Matthieu chapitre 26, verset 26. Il y a des moments où vous lisez la Bible, soit vous l'aimez ou bien vous déposez calmement de côté, vous allez vous vaquer à vos occupations. Et vous posez la question, pourquoi le Saint-Esprit a voulu que le livre que nous sommes allés là soit le dernier livre de la Bible? Parce qu'il a pris du temps pour y révéler la vérité. Parmi tous les écrits de la Bible, c'est le dernier livre qu'on a écrit ici. Donc le dernier livre qu'on a écrit de la Bible n'est pas Apocalypse, c'est celui-ci. Alors, pourquoi le Saint-Esprit a voulu qu'on prenne ces choses au sérieux, on prend du temps, que j'en puisse prendre du temps pour l'écrire? Parce que quand lui était révélé, non seulement la divinité de lui Seigneur, la volonté parfaite du Seigneur et la nature des fils. Vous lisez les autres évangiles, ça se passe comme ça. Vous avez noté Isaïe 53, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 26, verset 26. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, chapitre 9, 10 et 11. Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Écoutez, le Seigneur dit ici dans ce livre, et notez Hébreux chapitre 10, verset 1 à 19. Le Seigneur dit ici dans ce livre-là qu'il est descendu, enfin, le pain dont il explique là-bas, il dit que c'est lui qui est le pain. Il est descendu pour donner cette pain-là pour que les gens puissent manger et pour vivre éternellement. N'est-ce pas? Amen. Puis il explique qu'en réalité, ce pain n'est pas accessible à tout le monde. Parce que pour que ça donne la vie éternelle, c'est sélectionné. Donc, en clair, d'après la Bible, la vie éternelle n'est pas destinée pour tout le monde. Mm. Ni à tout le monde. Plus grave encore, d'après ce qui est dit ici, ceux qui obtiendront la vie éternelle sont connus d'avance. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, bien aimé. Même si vous dites que c'est pas vrai, vous allez quand même rencontrer ça là-dedans. Mm. Il dit plus grave encore, ceux qui sont destinés pour la vie éternelle sont connus d'avance. Ont été sélectionnés d'avance. On a discuté à propos d'eux d'avance. Et on les a élus dans une assemblée solennelle sans leur avis. Mm. Ou mieux encore, pour lui tout simplement, pour qu'on puisse pas être choqué, on les a choisis et destinés pour la vie. Et lorsque cette réunion a eu lieu, ne dors pas, parce qu'il ne faut pas que tu dises, mais est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Comprenez ceci. Lorsque le Seigneur quitte du ciel pour venir sur la terre, il avait déjà annoncé par les écrits anciens, par le choix d'Israël, et en rejetant d'autres nations, que le choix souverain dépend de lui. En choisissant Israël. Si vous lisez Malachie chapitre 1, verset 1, il dit que vous m'appelez père. Ésaü et Jacob ne sont-ils pas frères? Mais cependant, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Fin de citation. Avant la naissance. Vous pouvez développer ça maintenant dans Romains chapitre 9. Ou bien essayer de chercher dans la suite des temps pour si les archéologues ont dit que Romains 9 là est même vraiment dans la Bible. Vous fiez dans Romains 9, vous allez trouver ça quelque part d'autre et particulièrement dans Jean 10. Maintenant ici, il est dit dans les écrits que avant que le Seigneur ne vienne, il a révélé dans les écrits anciens que le choix souverain. Notez Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Vous pouvez trouver là-bas comment Jacques va dire, Simon a d'abord raconté comment Dieu a jeté les regards sur la terre pour choisir un peuple qui porta quoi? Son nom. Et puis avec cela, ça, quoi? Ça confirme ce qu'il dit dans les écrits que après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la maison de David. C'est pas cela? Bon, maintenant, puis il dit qu'avant que toutes les nations le cherchent. Donc le choix de Dieu sur Israël, alors qu'il y a d'autres nations, montre que le choix souverain. Ces enfants qui bavardent dehors, qui ne bavardent plus, gardez-les à l'esprit. Ne troublez pas les gens pendant qu'on a de parler ces choses-ci. Chacun doit connaître sa paternité. Vous ne connaissez pas votre acte de naissance spirituel, c'est écrit PND. Pas que vous êtes devenu des portes nouveaux ou du Dahomey. Non. Père non déclaré ou bien non déterminé, non trouvé. C'est PNT même. Il n'est pas votre acte de naissance spirituel. PNT. Souvenez-vous de ceci. Si vous lisez la Bible, ne vous trompez pas par les bénédictions. Parce que si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que ceux qui étaient sourds, le Seigneur souffrait beaucoup plus. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, le verset 8, la Bible déclare que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, partit. Il obéit et partit sans savoir où il allait. Vous voyez cela? Il obéit. La Bible déclare dans ce verset 8, il obéit et il partit sans savoir où il allait. Et puis à la fin de Hébreux chapitre 11, il dit tout cela à qui la promesse a été faite, n'ont pas obtenu cela. Dieu ayant en vue le meilleur. Gardez-vous à l'esprit cela. Il avait dit quand ils étaient errants, ça et là, rejetés. Ils étaient comme des balayés, des antres de la terre, dans les déserts, n'est-ce pas, frère? Amen. La Bible déclare que ceux-là, ce sont eux dont la foi parle encore jusqu'aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que, mais dans le monde, ils souffraient plus que les gens. Les calamités de la vie, au point où Jérémie, au chapitre 12, se pose la question, Seigneur, il dit, tu es trop juste pour voir ces injustices. Et comment l'homme méchant prospère-t-il? Comment ils font pour réussir? C'est pas ça, frère? Mais Dieu, par ses paroles, présente les Saintes Écritures et dans les Saintes Écritures, il révèle sa volonté. Si c'est flou quelque part, ici, vous avez la Bible qui est en rouge, où on met le nom de Jésus ou les écrits de Jésus en rouge, ça va vous certifier que ça sort de la bouche de Jésus. Ce sont les volontés, la volonté de Dieu ici, c'est-à-dire que l'expression même de la volonté de Dieu. Jésus nous explique que, un, il n'est pas venu au monde pour que les gens aient le mariage. Qu'il n'est pas venu au monde pour donner le visa. Notez Luc chapitre 15, verset 1 à 10. Souvenez dans ces paraboles des fils prodigues, n'est-ce pas? Souvenez des paraboles des brebis égarées. Cet homme qui a 100 brebis. N'est-ce pas, frère? Cet homme qui a combien de brebis? 100 brebis. Combien s'égare? Remarquez que la brebis s'est égarée, mais non perdue. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous pouvez égarer votre enfant, mais s'il meurt, vous l'avez perdu. Et ça, vous comprenez la différence. Si, demande c'est ton stylo, frère. Si ce frère avait son stylo dans cette maison-ci aujourd'hui, après, il cherche cela, il dira qu'il a égaré son stylo. Ça peut être dans la chaise, quelqu'un peut l'avoir pris, ou bien ça peut entrer n'importe où. Il l'a égaré. Mais s'il perd et que ça se dissipe, il a perdu son stylo. Donc, il perd sa brebis, ça se pose que la brebis ne peut plus être retrouvée. Si l'égare, il part chercher parce que c'est seulement égaré. C'est-à-dire que la chose ou bien la personne égarée ne se localise plus par rapport à sa position initiale. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc, quand un enfant sort de l'école pour aller à la maison, il perd son chemin. On dit que ton enfant s'est perdu ou bien est égaré. Hein? C'est égaré en réalité. Après, on retrouve l'enfant, ça pose la joie. Maintenant, cette brebis-ci de Luc chapitre 15 s'est égarée. Mais le départ, c'est un homme A, sans brebis. Donc, dès le départ, c'est ça, brebis. Avant qu'elle ait égaré. La brebis est égarée. Qu'est-ce qu'il a égaré? Donc, égaré, c'est-à-dire qu'elle est sortie de l'enclos. Par nos mauvaises vies, nous nous trouvons dans le monde, tout comme les autres. On est allé. Et là, à l'intérieur du monde, là où la brebis est égarée, elle est en proie à n'importe quel style de choses qui peut lui arriver là-bas. Le maître dit, c'est dans l'enclos qu'elle est en sécurité. Qu'est-ce que la Bible déclare qu'il laisse tous les autres qui ne sont pas égarés et va sur les montagnes, il part jusqu'à ce que quoi? Il trouve la brebis. Or, la Bible déclare là qu'il va trouver la brebis et qu'elle va retourner à la maison. Et cette brebis qu'elle retrouvait pose beaucoup plus de joie que celle qui était d'abord à l'enclos. N'est-ce pas, frère? Qu'est-ce que Jésus a dit dans ces cas? Je veux que vous me dites vous-même aussi, vous les lecteurs de la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est en train de dire qu'il ne fait pas aucun de ses brebis. Hein? Que ces brebis qui sont sortis vont faire comment? On va les retrouver. Et dans ce cas, vous, dites-moi, vous aussi, avec vos yeux là, comment quelqu'un peut lire ça dans la Bible? Il dit que j'ai vu un enfant de Dieu en enfer. C'est quel enfant de Dieu il a vu là-bas? Vous voulez comment expliquer? Dites-moi. C'est ça qui pose problème. Le fait que Nicolas vienne toquer la porte et dit à papa Thomas, papa Thomas, je suis ton enfant. Alors que papa Thomas a deux fils et deux filles. Et que les quatre sont déjà à la maison. Il a voilà dit que papa Thomas a eu un enfant à l'extérieur de la maison. Il devait créer problème avec le père et la mère. Pas vrai? La mère m'a dit, dis-moi. Il va aussi réclamer comme ça. Et donc, quelqu'un qui vient et se touche, commence à lire la Bible, va dire qu'il est chrétien. Jésus dit que le but principal pour lequel il est descendu sur la terre, c'est pour chercher ce que Dieu lui a donné. On a fait un coup derrière nos frères. Dieu a fait préparer un coup derrière nous. Et on peut avancer. Vous faites une réunion de concertation quelque part. Tous ceux-là qui sortent, quand vous voyez les commerciaux en route, personne ne sort directement, ils portent les choses, commencent à marcher dans les bureaux. Ils s'asseyent. Vous faites le thermique. On envoie exprès vers vous. Oh, le savon qui sent bon. Santé. Vous dites non, j'ai le savon. Il dit que non, il y a aussi le parfum, madame. Vous retirez le savon. Il dit qu'il y a le spaghetti. Vous retirez le spaghetti. Il dit votre ongle là, il est venu pour enlever. N'est-ce pas, frère? Pour ne pas le dire. Tu finis par acheter quelque chose. Au bureau, donnez un rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est d'abord. Ils étudient le terrain pour pouvoir envoyer. Dieu s'est assis, il vous a étudié. Il a élu d'avant ceux qu'il a destinés. Puis il arrive maintenant et dit, descends maintenant chercher ceux-là. C'est-à-dire que quand il est descendu là, il a la liste des gens qui va les appeler. Gardez-vous à l'esprit ceci. Il y a la liste des gens là scellés entre ces mains. C'est lui seul qui est digne de prendre le nom, le livre et d'en rendre. Amen. C'est le livre des rachetés. C'est lui qui peut s'appeler. Donc vous savez, quand on lit les noms de ceux qui ont passé la journée, quelqu'un attend là-bas, il dit que non, il est celui qui va passer. On dit c'est fait, c'est fini. Le dernier de ces tels. Après quelqu'un là, il espère toujours. Si ton nom n'est pas là-bas, la lecture, là, oubliez. En fait, vous devez savoir si ou non votre nom est écrit. Savez-vous que pour savoir, frère? Ok. Alors Jésus dit ici, je suis venu non pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis il explique au verset 39 que or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quoi? Jésus a-t-il accompli exactement ce que Dieu a dit? Amen. Comme il allait à la croix pour la rédemption, il a sauvé et ramené totalement à Dieu tous ceux pour qui il était venu. Vous y croyez? Amen. Maintenant, il a commencé par dire tous ceux que le Père me donne. Alors, il a dit quoi? Que tous ceux que le Père me donne, ils viendront en nous, n'est-ce pas? Ça veut dire que si vous avez été de la liste de ceux que le Père a désigné de toutes les façons, vous viendrez. Maintenant, je vous prie maintenant de rentrer dans votre homme intérieur. Rentrez en arrière quand vous étiez païen. Ça veut dire quand vous étiez dans la boue. Observez la façon dont vous êtes venu à lui. Observez. Réfléchissez-y. Pour d'autres, vous êtes passé par les anciens d'église. Avant de cela, vous étiez petit. Des choses ont m'amené. Chaque personne a son histoire. Chaque personne a son histoire parce que les lieux égarés ne sont pas identiques. D'autres sont dans les montagnes, d'autres sont dans les vallées. D'autres sont c'est dans la boue, d'autres sont dans l'eau chaude, frère. D'autres sont en plein désert, ils regardent dans toutes les directions, ils voient le ciel partout. Chacun a son nom, mais la voix finit par l'amener à la maison. Vous y êtes? Alors la question c'est, le Père donc qui envoie les gens vers Jésus, ou mieux, qui a envoyé les gens vers Jésus, te connaît-il? C'est la question. C'est-à-dire que le Père te connaît, te connaît-il? Que veut dire connaître? Dieu connaît toutes choses sur la terre. N'est-ce pas, frère? Amen. Il connaît chaque chose dans le moindre détail. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé, il n'a pas besoin de regarder l'homme longtemps pour entrer en contestation avec lui. Ou mieux, pour savoir ce qu'il va penser ou ce qu'il va faire. C'est ce que la Bible vient de dire. Mais à Moïse, Moïse dit quelque chose dans le. Si vous lisez le. Exode chapitre 32. Si vous lisez bien Exode chapitre 32 et Exode chapitre 33, lorsqu'il y a la confrontation avec la statue de l'or, Moïse dit, tu me dis que tu me connais. Vous avez lu ça, frère? Amen. Tu me dis que tu ne me connais pas mon nom, mais tu ne me révèles pas celui avec qui il est parti. Fais-moi voir ta gloire. Moïse dit à, donc Dieu a dit à Moïse que Moïse, écoutez bien vous-même la conversation des hommes spirituels. Moïse, je ne te connais pas ton nom. Frère, vous me dites ce que ça veut dire au juste dans notre langage mortel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Allons d'abord lire. Parle au Ménégal comme si c'était. C'est moi qui écris votre version biblique. Ne mettez pas le. Ne fermez pas Jean chapitre 6. Comment? Vous êtes fatigué, frère? Qui est fatigué? Oh. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas parler. Ah, je suis fatigué. Oui. Bon, le feu, on arrête comme ça. Patagne, on arrête. Patagne, il ne veut pas dire que c'est... Comment? J'arrête ou bien je fais comment? On continue. Bon, qui veut qu'on continue? C'est comme ça que le vote s'est passé là-bas, on a fait des gens sur la terre. Qui veut qu'on continue? Bon, on va continuer de toute façon. Qui veut pas qu'on continue? De toute façon, on ne va pas continuer. Bon, regarde, lisons seulement le passage des Exodes et puis on part. Il veut vous dire quelque chose. Mais gardez-vous ceci à l'esprit. Vous devez vraiment prendre du temps dans votre champ pour mesurer ce que ceci implique. Non seulement ça, et méditer véritablement sur ce qui est dit, le contenu. Ça veut dire, frère, si le plus lointain que ta pensée puisse aller. Vous savez, aujourd'hui, temps de conduire et puis j'ai fait une mauvaise réflexion. Vous savez, il y a de ces choses qui viennent dans votre esprit, vous savez, et puis je tape ma tête comme ça pour ne plus jamais réfléchir comme ça. J'essaie de rentrer, j'essaie de rentrer jusqu'à 4000 ans en arrière. Je suis remonté, je suis en train de conduire là, en causant avec eux. Mais je suis là dans la réflexion. Je dis, mais, vous savez d'où c'est venu? Non. Parce que mon fils a dit que, papa, la main de Dieu est en fer, il peut casser tout, non? Ça m'a permis de réfléchir sur les yeux de Dieu. Vous savez, on dit, Dieu, le ciel ne peut plus le contenir. Et s'il a fait notre œil, il a un œil. Imaginez l'œil de Dieu doit être comment? C'est un gros œil ou quoi? Vous savez, déjà des réflexions comme ça, comment ça y aller? S'il a une tête, il n'a pas une grosse, vraiment une grosse tête, puisque rien. Disons ici, frère. Et vous savez où ça nous amène? Ça nous amène à dire que cette tête-là, qu'on ne peut pas saisir, avant qu'il ne pense que la lumière soit, que le lumineux soit là, il te connaissait comme fils. Pensez-y. C'est-à-dire, il savait qu'on serait ici, il serait ici devant en train de parler. Et il a prédestiné toutes ces choses-là. Pensez-y. Et pensez aux conséquences que ça implique. Cela implique. Cela implique que tu le veux ou pas, tu ne peux pas le fuir. Amen. Et que ce qu'il a résolu, ce qu'il a résolu sur toi, c'est ça qui arrivera. N'est-ce pas, Job a dit, il dit que si pas au nord, il est où, pas haut. Si fuit en bas, il sera haut. Voilà. Jonas nous a montré l'exemple, non? Dans l'eau. Ah, non, si je dis que vous avez dit que j'arrête, c'est ce que j'aurais dû parler. Alors là, ce livre d'Exode là, vous y êtes. Amen. C'est ce livre aussi. Alors, ouvrez Exode chapitre 33 là rapidement. Donc, dans le chapitre 32, les gens vont faire le veau d'or et puis le Seigneur va me faire monter Moïse. Ils ont eu des contestations là-bas. Moïse, Dieu va parler au verset 33 du chapitre 32. Que c'est tous ceux qui ont péché contre lui qui va effacer le nom dans le livre de vie. D'accord? Alors, chapitre 33, rapidement. Verset 12 et suivant. Du chapitre 33 de l'Exode. La Bible déclare, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, écoutez bien attentivement, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. Vous vous souvenez de l'enseignement de la semaine dernière, n'est-ce pas? Le titre, c'était quoi, frère? Vous vous souvenez de l'enseignement de la semaine dernière? Le titre, c'était quoi? Personne ne parle plus. Que Dieu vous bénisse. Bon, maintenant, il dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. Alors, je te connaîtrai. Si tu me fais connaître tes voix, je te connaîtrai. La personne qui avait parlé, c'est la personne qui a passé 40 jours et 40 nuits dans sa présence. Il dit que si Dieu lui fait connaître ses voix, il va le connaître. Mais en haut, il dit, tu me dis que je te connais par ton nom. C'est seulement une seule chose que Dieu ne connaît pas sur la terre. Une. Même dans les cieux, même dans n'importe quoi que vous imaginez. C'était une seule chose que Dieu ne connaît pas. Vous avez pu trouver, frère? Non. Ok, maintenant. Moïse, son nom, c'est qui? Moïse. Quand il s'est présenté là-bas à Horeb, quand il a dit Moïse, c'est pas son nom qu'il avait appelé? C'est son nom. Mais quand cette expression c'est dans la Bible, je te connais par ton nom, qu'est-ce qu'il a de lui dire? Et ça, c'est une conversation que Moïse a dit en haut, parce que c'est Moïse qui nous donne le secret ici. Quand il était dans le feu, en train de parler, personne n'était là. Il dit, tu m'as dit que tu me connais, quand on causait là-bas en haut. Tu m'as dit que Moïse, je te connais par ton nom. C'est quelle langue ça, frère? Connais ton origine. Connais son origine depuis son origine. Je te connais par ton nom. Moshe. Continuez comme ça là. Mais réfléchissez-y. Je te connais par ton nom. Ça dit qu'il t'appelle Papa Tani. Je te connais pas ton nom. On connaît quelqu'un comment? Tu changes de nom aujourd'hui, il connaît. Hein? Alors, le Père te connaît-il? C'est le titre de l'enseignement. Le Père te connaît-il? Il y a des gens, vous pouvez aller dans une administration. Vous allez devant les administrations souvent à Yaoundé, vous trouvez des gens qui sont dehors, bien avec la veste. Ils sont le matin. Tu crois qu'ils partent au travail, ils sont devant l'administration. Tu viens, tu dis, je signe quel dossier? Tu veux qui? Il dit, donne-moi ton dossier, il est là en veste. Il part, si tu donnes 500, il part signer. Mais si tu pars toi dans l'optique d'aller signer là-bas à l'intérieur, les gens te malassent là-bas, tu comprends qu'il faut passer par ceux-là, par ceux qui sont dehors. Mais pourtant, ils ne sont rien. Maintenant, quelqu'un va rester ici à Douala. Il dit, je connais le président de la République. N'est-ce pas, frère? Tu vas devoir le président de la République. Tu connais telle personne? Il dit, j'ai jamais entendu parler. N'est-ce pas, mes frères? D'autres personnes, mais un homme qui ne connaît, il ne connaît même pas. Alors, entre quelqu'un dit, mais tu demandes n'importe quel enfant qui est le président de la République du Cameroun, tu vas dire, la question c'est, est-ce qu'il connaît Paul Biya? Est-ce qu'il le connaît? Il connaît le nom Paul Biya, mais lui, il ne le connaît pas. Bon, maintenant, si je demande au président de la République, vous avez combien de populations chez vous? Il dit que c'est environ 3, 2 millions ou 22 millions. Peut-être on est à 23, mais on dit qu'il y a 1 million de personnes qui ne connaissent pas, vrai frère, mais il est le président. On a des problèmes, je vous le dis, on a des problèmes. Mais Dieu connaît chaque individu quand tu étais dans les spermatozoïdes. Avant que ton père ne te rencontre, regardez bien. Quand ton père allait là-bas et que ta mère partait au machin, faisant comme maman se posait comme ça là. Pas se passer par là-bas pour aller. Avant le jour là, il connaissait Ézéchiel et tous les autres. Ça veut dire que le mariage est prédestiné. Comment? Écoutez très attentivement. Rien n'arrive sur la terre sauf sans la volonté de Dieu. C'est que son plan va chambouler à un moment donné. Je n'ai pas quelqu'un en train de travailler. Il va nous dire, oh, on a gâté notre plan. Travaillons comme ça. Tout va comme il a prévu. Remarquez dans son plan. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Maintenant, prenez la généalogie de la personne qui va enfanter Jésus. Ça suppose que la première personne qui est sortie dans cette généalogie-là avait été préparée avec tous les autres parmi. Amen. Continuez comme ça pour chaque élu sur la terre. Donc toutes les familles sont prédestinées. Les uns pour la perdition, les autres pour dire Amen, Hallelujah. Vous avez entendu parler de l'histoire de la vase des vases de colère. Vous avez entendu ça? Et les vases d'honneur. Alors la volonté du Père, c'est, notez Jean chapitre 17, on va y aller maintenant, puis on va sortir. Alors Dieu dit ici, Moïse nous donne le secret que Dieu a causé avec lui. Il dit que Dieu lui avait dit que je ne connais pas ton nom. Méditez-y. Je ne te connais pas ton nom. Tu m'as dit, tu ne me connais pas mon nom. C'est un prophète qui en déparle. Donc il sait que Dieu sait toutes choses. Alors, je ne te connais pas ton nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Le titre de l'enseignement, c'est Dieu te connaît-il? Jésus nous dit donc que tous ceux que le Père lui donne viendront. Et il leur donnera la vie éternelle et ne périront point. N'est-ce pas, mes chers? Jean chapitre 17, donc, finissons-y là-bas. Le vrai problème avec cette histoire, c'est que vous vivez dans le plan de Dieu sans vous en rendre compte que vous en avez de vivre. Amen. C'est ça le problème. Parce que la Bible qui est devant nous maintenant, c'est un support des gens qui ont vécu. Prenez par exemple Einstein. Vous prenez Einstein, vous allez dire, mais le type a découvert la formule comme ça. N'avait-il pas une vie privée? Il a une vie privée. Quand vous voyez Abraham, vous dites, on lit l'histoire d'Abraham aussi. Vous pensez qu'il n'avait pas de déboires, il avait des déboires. Vous parlez de l'apôtre Paul. Vous avez noté Actes chapitre 15, n'est-ce pas? Attendez, deuxième partie. J'ai dit quel livre là maintenant? Jean chapitre 17, avant il n'a pas regardé. Oh, la vie éternelle, je vais la partie verset 3 où terminer, je vois M là. Verset 3. Oh. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Vous voyez quel témoin je vais lire ici. C'est pourquoi ils ont étudié sur les Écritures et tous les autres tomes. Quand ils lisent ça, C'est ça, c'est terrible. Quand ils lisent ceci, ils ont comme impression que en faisant les études dans la parole, tu vas connaître Dieu. Et au finish, par la connaissance, tu as la vie éternelle. C'est pour ça qu'ils ont le livre La connaissance qui mène à la vie éternelle. La connaissance ne viendra jamais à la vie éternelle. Tu as d'abord la vie éternelle, puis les révélations te font grandir. Amen. La vie éternelle commence d'abord. Parce que si tu nais de nouveau, les choses là tu ne peux pas comprendre. Mais eux, ils essaient de comprendre pour naître de nouveau plus tard. C'est pour ça qu'ils comprennent. Voici le verset phare. Or, ça, nous sommes au chapitre 17. Le chapitre 14, Jésus dit, je suis la vie éternelle. Donc la vie éternelle n'est plus un apprentissage, c'est une personne. Et cette personne l'a dit au chapitre 6 que je leur donne la vie éternelle. Donc la vie éternelle se donne. Et il dit que non. La connaissance qui met en vie éternelle, on fait les études avec eux. C'est un prédicateur ici non baptisé. C'est-à-dire qu'on fait marche avec eux, il prêche sans baptiser, il n'est pas encore baptisé. Pour qu'un jour il croit dans une assemblée solennelle des témoins, le jour dans sa région, il est baptisé là-bas officiellement pour entrer dans le ministère. Tu parles. Le verset 3 dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur dit. Mais ils ne comprennent pas, ils croient que ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à connaître Dieu, comme ça on aura la vie éternelle. Regardez le verset 4 du jugement. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as. Vous vous souvenez du chapitre 6, non? Vous vous souvenez du chapitre 6, verset 39, 36, 38 et 39, où il a dit le pourquoi il est sur la terre et la volonté qu'il est censé faire. Il dit ici, dans ses prières, ce qu'il a donné pour ses disciples, il dit qu'il a achevé l'œuvre que Dieu lui avait donné de faire. Donc finalement, il a fait quoi, frère? Il a fait quoi? Il les a rassemblés. Il les a rassemblés. Parce qu'au chapitre 10, vous lisez bien le chapitre 10, il a bien signifié qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette brebis, de cette bergerie. Celles-là, il faut qu'il les amène. Il y aura, a-t-il prophétisé, il y aura un seul troupeau et aussi un seul berger. Donc si vous êtes de ses fils, vous n'irez jamais hors de l'enclos. Jamais. Quand il vous a appelé. Regardez, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous voyez la complicité qu'ils ont eue, non? Ce sont les coups qu'ils ont montés contre nous. Ok. Maintenant, verset 6. Maintenant, écoutez encore ça. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse avec son nom? Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse avec son nom, frère? Maintenant, écoutez ça. J'ai fait connaître ton nom à tout le monde entier et au peuple juif. Amen. Pardon? Pardon, frère? Donc il a fait connaître le nom de Dieu à tout le monde. À qui? Aux hommes que tu m'as donné. Qui a donné ces hommes à Jésus? À quel moment? Écoutez bien ce qu'il dit lorsqu'il prêchait sur la terre. À vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume, mais pour ceux du dehors, leur est dit en parabole afin qu'en regardant ils ne comprennent pas de peur qu'ils ne se convertissent, qu'ils ne se repentent, que le péché ne soit pardonné. Vous parlez de Jésus le Messie, vous avez lu ça, hein? Mais il dit j'ai fait connaître ton nom pas à tout le monde. L'évangile qu'on prêche, que non, tout le monde, le salut est accessible à tout le monde. Venez à Jésus, on ne vient pas à Jésus à pied. Quelqu'un doit te mettre la corde pour t'attirer là-bas. Quelque chose doit être mis là-bas depuis l'enfance, depuis le ventre, depuis l'éternité. Si cette semaine n'est pas là, oublie. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, Dieu. Donc, du milieu du monde se trouve un peuple à qui Jésus a été envoyé. Dans Ésaïe chapitre 53, donc, il dit que par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc le sang est versé pas pour tout le monde. En toile de fond, il a nettoyé tous les problèmes qu'il y avait dans l'univers. Traverser le ciel, verser son sang même devant le trône. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Verser sur la terre pour purifier. Il a réconcilié ce qui était dans le ciel, ce qui était sur la terre. Parce que tout doit revenir enfin sous la gouvernance du Seigneur. Mais en toile de fond se trouve la personne, les personnes pour qui il est mort. Voilà la volonté, le pourquoi il est. Ici, il dit qu'il a achevé l'œuvre qu'il lui a donné de faire. Donc, en fait, mission accomplie. À la croix, donc, c'est de ça dont il est question. Tout est accompli. C'est pas tout accompli que maintenant j'ai mon mariage. C'est pas ça. D'accord? Il est question du règne du Messie dans le cœur des fils. Il est question du règne du Messie dans le cœur des fils. Notez Galates chapitre 4, versets 6 et 7. J'ai fini vraiment là-dedans. Donc rassurez-vous après, Jean chapitre 17. Je n'irai plus autre endroit. Samedi, plaise au Seigneur, 16h, je suis là pour qu'on continue ces choses et donc bien d'autres. Alors, la Bible déclare, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Vous voyez qu'il y a un problème encore ici avec le nom, n'est-ce pas, qu'on doit connaître. Avez-vous déjà vu un enseignement où Jésus dit que, « Est-ce que vous connaissez que le nom de Dieu, c'est Jéhovah ?» Vous avez lu ça dans la Bible ? Jésus n'a pas fait un enseignement, il a dit que le nom du Père était sur ce. Il parlait toujours de Père, Père, au point où ça fatiguait les disciples. Au chapitre 14, Philippe va lui dire que Père, Seigneur, tu nous parles du Père chaque fois, montre-nous le Père, c'est nul. Après, il a révélé le nom du Père. Il a dit, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Parce que son nom ne peut pas changer, c'est je suis. N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, je suis son nom? Ok. Il dit, ils étaient à toi, souligné. Nous sommes au chapitre 6 toujours. Ils étaient. Ces choses qu'il a de nous révéler ici, ça se passe dans le passé, non? C'est-à-dire quoi? À quel moment ces gens s'étaient à Dieu? Avant la fondation du monde. Écoutez, que Pierre en soit conscient ou pas, il pêche, ça ne donne pas, les autres font des fautes pour pouvoir pécher. Il n'en avait pas moins qu'il était destiné à cela. Christ l'a rencontré là-bas, il l'a appelé. On y va? Jésus, notre Seigneur, dit ici, il s'y est mis pour les hommes qui étaient au milieu du monde à qui il a révélé le nom du Père. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Il passe ça dans le passé. Donc il nous révèle le plan des discussions qui ont eu lieu. Ça dit qu'on a dit, va sur la terre, sélectionne le frère Junior, telle personne, chacun parle pour sa part. Le Père te connaît-il? Pointe quelqu'un, pose la question, le Père te connaît-il? Le Père te connaît-il? On a commencé dans Jean chapitre 6, n'est-ce pas? Dans le verset 45, le Seigneur dit, dans le verset 45 de Jean chapitre 6, on n'a pas encore fini dans ce Jean chapitre 7. Je vais seulement citer Jean chapitre 6, on va y revenir. Dans le verset 45 de Jean chapitre 6, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Puis il dit, ainsi donc, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Vous y êtes? Or, le Seigneur Jésus dit que c'est prévu dans les prophètes comme ça. Que dans les prophètes, c'est prévu que c'était prophétisé que tous seront. Regarde ici. Prends ta Bible, tu arrêtes la main. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés des dieux. Pourtant, vous lisez Esaïe chapitre 47. Qu'est-ce que le frère là? Ce verset 13 du chapitre 54 d'Esaïe, vous allez voir, il est écrit que tous seront disciples de l'Éternel. C'est ce qui est écrit là-bas. Mais Jésus dit, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est pas ça, frère? Amen. Et puis Jésus conclut en expliquant l'Écriture, il dit, ainsi, quiconque a entendu le Père, si tu as entendu. Et puis, dans cet appel, où la voix audible te donne la révélation, tu viens à lui. Amen. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Parce qu'il a dit que ceux que le Père a envoyé viendront à moi. Donc, le Père va t'informer d'aller à Jésus. Amen. C'est-à-dire, le Père va t'informer que c'est le moment de rentrer à la maison. Amen. Verset 6 encore. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Et je veux vous dire, frère, Dieu connaît tout ce qui lui appartient. Tout. Amen. Tout. Regardez un exemple. Je vais vous donner un exemple de la Bible. Je crois que c'est mieux qu'il liste ici. Je vais le commenter par la suite. Verset 7 encore. Maintenant, ils ont connu ceux pour qui il est venu, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles. Donner les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu. Frère, il faut qu'on fasse l'étude du livre des gens. Et ils les ont reçus. Et qu'ils ont vraiment connu Gardez bien les mots qui sont utilisés aussi. Pas vraiment compris, vraiment connu. Que je suis sorti de toi. Voilà encore de grands mots de la Bible. Sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour tout le monde que j'ai pris parce que l'heure est grave sur la terre. Vous avez verset 9 là. C'est pour tout le monde parce que l'heure est grave. Les hommes périssent dehors. Si je ne leur donne pas la vie éternelle, ils vont tous périr. Comme les gens, les pasteurs ont tellement pitié de Dieu aujourd'hui là. Il dit que frère, les âmes périssent. Chaque jour, Dieu pleure. J'ai vu Jésus sur le trône, il pleurait comme ça. Que les larmes coulaient de ses yeux, que les gens ne comprennent pas sur la terre qu'il a donné sa vie pour eux. Comment ils vont venir? Parce qu'il a dit, Jésus a dit que nul ne peut venir au Père, si c'est à lui, si le Père ne les attire. On a des visions ici dehors. J'arrive encore avec les visions. Les visions bibliquement anti-bibliques. J'arrive avec cet enseignement. Les visions bibliquement anti-bibliques. On peut en parler. Parce qu'on peut façonner. J'ai vu Jésus. Il était assis sur un trône blanc. Il y avait le lumière autour de lui. Ça, c'est bibliquement. Mais il pleure parce que les gens vont en enfer. Les gens ne comprennent pas. Ça, c'est anti-biblique. Donc, les visions bibliquement anti-bibliques. J'arrive. Jésus pleure parce qu'il a donné sa vie. Les gens vont toujours en enfer. C'est que c'est le plus grand échoueur qui puisse arriver sur la terre. Pourtant, lui, il a dit qu'il a accompli la volonté de Dieu. Il a achevé la course. Il a achevé l'œuvre que Dieu lui a donné de faire. C'est-à-dire quoi? Il a dit la volonté de mon Père, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. Parce que ça veut dire qu'en toile de fond se trouve, le Père va demander à Jésus, qu'est-ce que, où sont ceux qui t'avaient donné? Voici la liste qu'il t'a donnée. Appelle-les tous, ils sont là. Il va dire, frère, ils sont tous là. Amen. Ils sont tous là parce qu'il a fait sa volonté. Donc, tu m'as fait la volonté. Dans Hébreux, je peux te dire, non, il dit, je viens pour faire ta volonté. Donc, le corps qui a été créé pour être sacrifié, c'est le corps qui a été choisi par Dieu pour faire venir tous ceux qui viendront. Amen. C'est pour ça que c'est l'expression de la volonté de Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as pas agréé des holocaustes, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi il dit dans le rouleau des livres, il est question de moi. Donc vous lisez le livre là, c'est de moi dont il est question totalement. Il va faire l'expression de la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? C'est que tous ceux qui sont sortis de lui. Attends, je vais d'abord garder ce dossier pour vous parler. Montrez n'importe quoi que vous pouvez présenter. Présentez n'importe quoi. Je vais vous montrer quelque chose là-dedans. N'importe quoi que vous avez sur vous. Voilà. Celui-ci montre le papier, l'autre ici du stylo, l'autre là du stylo, l'autre montre. Ce que vous voyez là, ça sort de quelque part. Ça a pris source quelque part, n'est-ce pas? Amen. À partir de quelque chose, on l'a dupliqué ou bien fabriqué. Vous me saisissez? Donc, ce n'est pas sa forme originelle ici. Ça veut dire que ce plastique, c'est sorti de quelque chose. Ce que vous appelez la Bible ici, si on rentre, on va se retrouver dans le contreplaqué. On rentre encore, on trouve ça dans l'arbre. Donc, ce que vous avez là sort de l'arbre. N'est-ce pas, frère? Ok, ça veut dire que ça quitte de l'arbre pour arriver là-bas. Maintenant, ça, comme c'est sous forme de papier, vous ne pouvez plus détruire. Vous savez ça, n'est-ce pas? Quelque chose que vous présentez qui est physique, que ce soit même spirituel, même n'importe quoi, vous n'avez pas le pouvoir de détruire. Parce qu'une seule personne peut le détruire. Parce que vous n'avez pas amené quoi que ce soit dans le monde. Vous ne pouvez pas faire disparaître quoi que ce soit. Personne n'a le pouvoir de faire disparaître n'importe quoi. Même pas une aiguille. Même pas, je ne peux pas savoir. Même le bout de pain. Vous coupez le bout de pain comme ça, vous regardez, vous ne pouvez pas faire disparaître ça du monde. Jamais. Alors je pose la question. Quoi, frère? Ça va se transformer. Vous allez faire quitter quelque chose d'une forme à une autre sans pouvoir le faire disparaître. Vous savez ça? Amen. Ok, non. Vous dites non, le papier, tu ne peux pas disparaître, je vais mettre le feu. Tu as commencé par quoi? Par le feu. Le feu, tu es parti de quelque chose que tu as obtenu. Quand tu vas mettre du feu, ça va devenir quoi, frère? La cendre. Tu n'as pas fait disparaître le papier. Tu as seulement fait transformer ça du papier en cendre. Je vais verser l'eau sur ça. Je vais secouer. Tu n'as plus voir le papier. Tu vas voir. Je n'ai pas voir. Oui. Tu secoues ça. Après, ça devient liquide. Donc, le papier liquide que tu as maintenant. Tu glaces ça, ça congèle sur le papier maintenant solide que tu as. Vous ne pouvez pas faire disparaître quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il y a un créateur derrière qui a destiné toutes ces choses. Donc, vous venez de quelque part. Amen. Donc, vous venez de quelque part. Et il a un plan. Qu'il en allait doucement avec vous. C'est-à-dire qu'on quitte de quelque part pour aller à quelque part. Ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance. Gardez le mot là, connaître d'avance. Ce qu'il a connu d'avance. Donc, dans ce livre des Jean, chapitre 17, vous allez trouver dans le verset où il dit, après avoir dit qu'il a fait connaître son nom aux hommes qui lui a donné du milieu de monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Je les ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont cru effectivement que je suis sorti de toi et que c'est de toi qu'ils viennent. Ils ont connu, ils ont cru. Puis il dit, Père Saint, je retourne à toi et ils sont dans le monde. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie pour tous ceux qui croiront en leur parole, à moi par leur parole. Après, il dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Tout ce que tu m'as donné. Sauf le. Donc il a fait quoi pour celui-là? Non, ça c'est qui a parti. Qu'est-ce que Jésus a fait? Lisons alors. Je fais tout pour ne pas lire la Bible. Si vous me faites lire. Jean chapitre 17. Lisez la Bible, frère. Lisez la Bible. Regardez le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé où? En ton nom. Donc Jésus était là comme ça. Il dit que Pierre, Paul, oh, je les garde dans le nom de Dieu. Vous pensez que ça peut? Non. Je l'ai gardé en ton nom. Écoutez bien attentivement. On y va. J'ai gardé tout le monde pour que le diable ne les touche pas. Ce que tu m'as donné. Il a gardé qui, frère? En tout cas, si vous voulez déchirer la Bible, vous pouvez déchirer. Mais c'est quoi ce qui est écrit? Seigneur, garde ma grand-mère. Tu sais qu'il ne voulait pas faire l'idolâtrie. C'est les grands-parents qui l'ont trompé. Garde-le. Tu es trop bon plus que Dieu. Il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux. Et aucun. Qui ça? Ne sait. Sinon. Afin que. Il ne peut pas garder celui-là. Parce que le garder, il ne peut pas aller à la perdition. Alors le Seigneur. Enfin, quand l'apôtre Pierre prêche la première prédication de l'église, et on lui pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc Dieu doit devoir appeler. S'il n'appelle pas, tout ce que tu fais là, c'est le folklore. La deuxième partie, nous allons continuer. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. À la scène, quand le Seigneur a levé la coupe, il a dit que cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance de mon sang qui est versée pour plusieurs. Ou encore pour beaucoup. Quand on dit pour beaucoup, ce n'est pas pour tout le monde. Beaucoup ne veut pas dire tout le monde. Pour plusieurs, le sang là n'est pas versé pour tout le monde. Posez la question, mon frère. Bien comprendre. Oui. La Bible dit que les noms sont écrits dans le livre ici. Oui. Si on, quand on passe une écrit, ce sont des écrits. Oui. Et puis nos noms se trouvent à l'intérieur. Oui. Est-ce qu'on peut retrouver son nom dans la Bible? Si oui, de quelle façon? De toute façon, moi, je suis dedans. Le livre dont on parle, qu'il y a les noms de. Est-ce que tu sais même que si c'est ton nom qu'on t'appelle Hervé ici qui est même là-bas en haut? Vous savez ça, frère? Il y a des gens qui leurs noms sont sur la terre, donnés par Dieu. Et que ça n'a pas changé. Voilà pourquoi Dieu a dû changer les noms des gens sur la terre. D'autres vont recevoir un autre nom. D'autres, leurs noms qui sont écrits dans le livre divin n'a rien à voir avec le nom qui sont sur la terre. D'autres divinement avertis à ses parents écrivent le nom qui est dans le livre. Quand Paul est allé voir le nom de, il a vu le nom de Clément là-bas. Que Clément, ton nom est là-bas. Travaillez. Je vous aime. Le Père vous connaît-il? Les bénédictions obtenues ne sont pas de signe de l'approbation du Père. Parce qu'un père qui a son argent peut sortir pour voir son enfant arriver les enfants des autres. Il donne pour les enfants là, il donne pour son père. Bonsoir.